Chapitre 28e. Les ennuis de la betterave. Paulin Broquet, tout à fait rétabli maintenant, avait réintégré son domicile de l'avenue Trudaine et repris sa vie habituelle, quand il se dit qu'il ferait peut-être bien d'aller tout de même passer une soirée au concert, pour voir un peu le comte de la Guérinière et applaudir la jolie Lucette Minois, que, comme tout Parisien, il trouvait charmante. Précisément le soir où il se rendit au Lutetia, il y avait un peu d'énervement parmi les artistes. Un de ces 1000 petits événements qui, derrière la toile, prennent une grande importance et forment la monnaie courante de la vie de théâtre, venait d'avoir lieu. Pendant plusieurs jours, on eut la surprise inexpliquée de ne pas voir apparaître le spectateur fidèle, ce bon et jovial monsieur Mathieu, que l'on appelait généralement la betterave. L'usinier du Nord avait-il renoncé au spectacle qui, jusqu'ici, semblait pour lui si plein d'attrait? Ou bien, rassasié de son amour platonique, avait-il soudain changé d'idée? Tel était le problème que, dans les coulisses, curieusement, on se posait, tout en lui donnant aussitôt les solutions les plus variées. L'opinion générale, cependant, était, sans que rien pût établir celle-ci plus qu'aucune autre, que la betterave venait de regagner sa raffinerie et que sous peu on le verrait revenir. Cependant, depuis le premier jour que l'on constata l'absence de la betterave, une superbe gerbe de fleurs rares était portée au théâtre pour Lucette Minois, sans qu'aucune carte l'accompagnât, sans qu'il fût possible de connaître le galant envoyeur. Tout se sait dans la vie, à plus forte raison au théâtre. Personne n'ignora bientôt au Lutetia le mystérieux et charmant envoi dont Lucette Minois semblait au demeurant s'étonner plus encore que ses jalouses camarades. Mais son étonnement était-il aussi réel qu'elle le manifestait? Ne se doutait-elle pas du nom de celui qui la gâtait ainsi? Elle jurait ses grands dieux de ne pas deviner, mais pas du tout, du tout. Cependant, dans le théâtre, on finit par déclarer que l'envoyeur galant ne pouvait être que la betterave, qui se rappelait ainsi gracieusement au souvenir de la divette. C'était donc pour elle qu'il venait. Les chers camarades, contents chacune d'avoir cette bonne fortune, firent à la jolie Lucette des compliments acidulés. Mais dans cette conjoncture, quel rôle jouerait le comte de la Guérinière? Quelle tête ferait-il dans cette intrigue amoureuse de coulisses? Le comte jusqu'à présent ne disait rien. Comme il est de règle en pareille occurrence, il fut, lui, l'amant, le dernier mis au courant de l'aventure, et après tout le monde, il connut l'envoi des fleurs. Galant homme, il ne fit pas grief à Lucette Minois de recevoir des fleurs dont elle ne provoquait pas l'envoi. Il ne lui défendit point de recevoir, en tant qu'artiste fêté, cet hommage d'un admirateur qu'il remercierait lui quand il le connaîtrait. « Gare, dit-on dans les coulisses, ce jour-là il y aura un bon coup d'épée de donner. » Et l'on plaignait ce bon gros et paisible usinier. On ne voyait pas du tout la betterave, une épée à la main, en face du redoutable comte de la Guérinière. Or, voici que tout à coup, le soir où Paulin Broquet se trouvait dans la salle, M. Mathieu, dit la betterave, fit son apparition dans sa loge habituelle, un peu avant l'entrée de Lucette Minois. Cela causa une telle surprise que la chanteuse en scène à ce moment s'arrêta dans son couplet, le comique même bafouilla et l'orchestre fit des couacs. Par les coulisses, la nouvelle passa comme une traînée de poudre. La betterave est dans la salle. On prévint Lucette qui, elle, tranquillement parut et chanta comme elle avait coutume sans le moindre trouble. Quant à M. Mathieu, dit la betterave, il apparut lui, comme on l'avait toujours vu, frais, souriant, bon enfant, l'air heureux. Il semblait rayonnant de se retrouver dans sa loge, dans son théâtre. Sans paraître s'en douter le moins du monde, très paisible, il opérait une rentrée sensationnelle. De sa loge, le comte de la Guérinière l'aperçut, mais ne manifesta en rien ses sentiments, ne changea pas sa façon d'être, ne tourna même pas une seule fois les yeux vers la betterave. Cependant, pendant l'entracte, il quitta sa loge avec ses amis et il s'engagea dans le promenoir où la betterave, un gros cigare au bec, venait de son côté de se faufiler. Le comte de la Guérinière s'approcha de l'usinier très poliment, le salua et à voix presque basse, pour ne point faire d'esclandre, lui dit « Pardon, monsieur, j'ai des remerciements à vous adresser. » La betterave devint tout rouge tout à coup. « Des remerciements à moi, monsieur, mais pourquoi ?»« Permettez-moi tout d'abord de me présenter à vous, puisque je n'ai pas le plaisir d'avoir d'amis vous connaissant. Comte de la Guérinière. »« Moi, monsieur Mathieu, » répondit l'usinier. « Parfait, Vous aimez les arts, monsieur Mathieu, beaucoup. Et les artistes encore plus, les chanteuses, ça dépend. Vous les couvrez de fleurs superbes, quand elles le méritent. Bien. Nul, en effet, plus que Lucette Minois n'est digne des magnifiques gerbes que depuis quelques jours vous lui envoyez. La betterave tressaillit et balbutia. Comment, on vous a dit, vous savez? C'est au point de vue artistique seulement. Je n'en doute pas, monsieur. Seulement, Lucette Minois est ma maîtresse. Et il me déplaît fort que d'autres que moi lui témoignent, ou cherchent seulement à lui témoigner, leurs sentiments artistiques. Croyez, monsieur, que je... J'entends. Mais s'ingénier à rencontrer en ville, dans l'été, partout où elle va, Lucette Minois, c'est pousser le sentiment artistique un peu loin, convenez-en. C'est que, monsieur, je pensais, je croyais... Vous n'êtes pas très au courant des usages de Paris. C'est votre excuse. Mais sachez qu'envoyer ainsi des fleurs à une artiste sans se nommer, c'est une imprudence qui, quand elle se renouvelle, devient de la goujaterie. Goujaterie. Quand cet envoi se complique de la présence de l'envoyeur dans une loge et de sa mimique pour se faire remarquer, non seulement de l'artiste en scène, objet de son obsédante poursuite, mais du public gouailleur. La betterave voulut se défendre. Mais monsieur, croyez bien que je n'ai jamais cherché à me faire remarquer du public. Dans ce cas, monsieur, le public ne remarquera pas votre départ. Mon départ? Oui, car vous allez partir immédiatement. Moi, partir? Mais pourquoi? Je voudrais rester ici jusqu'à la fin du spectacle. Je vous le défends. Vous allez vous retirer. Mais, monsieur, ce que vous me demandez là me rendrait grotesque. Je ne qualifie pas votre façon de faire. Et on se moquerait de moi. Je ne puis vous écouter. Dans ce cas, monsieur, deux de mes amis auront l'obligeance de se présenter chez vous demain matin. Pourquoi faire? Demanda naïvement la betterave. Ils vous le diront. Voici ma carte. Voici la mienne, mais je ne quitterai pas le spectacle. Inutile, c'est moi qui m'en vais. Je ne vous y oblige pas, moi, sans doute. Mais après-demain, il est presque certain que c'est moi seul qui reviendrai ici. Le comte de la Guérinière se retira avec les personnes qui l'accompagnaient. Le lendemain, deux des amis du comte de la Guérinière, le vicomte de La Soule et le baron Loiselet, se présentaient chez M. Mathieu. L'usinier était descendu dans un grand hôtel de la rue de Rivoli. La betterave les reçut, ne comprenant pas encore pourquoi ils venaient. Le vicomte de La Soule parla le premier. « D'abord, monsieur, le comte de la Guérinière, gravement offensé par vous, n'acceptera pas d'excuses. Mais je n'ai nullement l'intention de lui en faire, car je ne crois pas l'avoir offensé. Vous avez envoyé des fleurs à sa maîtresse. Comme artiste, oui. Vous avez cherché à le détourner de lui. Est-ce aussi comme artiste ? » La betterave ne put rien répondre. « Alors, qu'est-ce que demande le comte de la Guérinière ? » ?»« Que vous vous mettiez en rapport avec deux témoins. Un duel ! » s'exclama le malheureux usinier. « Un duel ! À l'épée ! À l'épée ! Mais c'est impossible. Voyons, messieurs, pour quelques fleurs. Oui, j'ai fait la cour à Lucette Minois parce qu'elle est jolie. Mais ce n'est pas tellement grave qu'il faille me couper la gorge. Que décidez-vous ? » ?»« Le comte de la Guérinière est un bretteur, un dueliste de profession. Il a eu je ne sais combien de rencontres où il a toujours été vainqueur. C'est un spadassin. Moi, je ne suis pas un homme d'armes. Je fais du sucre, non de l'épée. Savez-vous tenir une épée? Avez-vous fait de l'escrime? Comme tout le monde, lycée, du fleuret. Par conséquent, je n'ai rien appris en fait d'escrime. Nous ne pouvons plus longuement discuter. Nous attendons vos témoins. » La betterave semblait très malheureux de cette ridicule aventure. Cependant, il ne pouvait agir autrement. Il était obligé de marcher, à contre-cœur, mais de marcher. Il alla trouver deux amis, un ingénieur, M. Gélinaire, et un avocat, M. Brudeau, avec qui il était en relation d'affaires, et les adressa aux témoins du comte de la Guérinière. Le comte étant l'offensé, il avait le choix des armes. Il choisit l'épée. La rencontre devait avoir lieu le lendemain, dans une propriété privée, à Neuilly-Saint-James. L'avocat Brudeau, témoin de M. Mathieu, connaissant son confrère Montreuil, le pria de demander à son frère, le docteur Robert, de vouloir bien assister son client la betterave. La rencontre intéressait, on le pense, au plus haut point les deux frères. Ils allèrent immédiatement parler de ce duel à Paulin Broquet. « J'y serai, » dit le détective. « Oui, j'y serai, nous y serons tous. » « C'est un assassinat que va commettre le comte. »« Bah, un de plus ou un de moins, ça ne le gêne guère. »« Ne peut-on empêcher ce crime ?»« Non, faisons seulement des vœux pour la betterave infortunée. »